pantoufles. Ouais, c'est vrai, posé. Ah ouais, ouais, j'ai rien fait d'autre que de me reposer et de flâner un petit peu. T'as pas pensé à une mélodie, t'as pas pensé à un morceau de. Bah, j'y avais même pas. J'étais surprise moi-même parce que ça, c'est des choses qui souvent m'accompagnent, hein, les mélos, même dans des circonstances parfois très, très particulières, j'ai des mélodies qui me viennent en tête. Mais là, ces quatre jours, j'ai l'impression d'avoir été dans une espèce de porte spatio-temporelle. Donc là, depuis hier, tu as repris le taf, la promo. Ça y est. Oui. Ça y est. C'est reparti. Exactement, on s'est mis à run-runner davantage. Jusqu'au 17 novembre. Date de sortie de la réédition de l'album Le Mini World réédité, ouais. Avec Indila, deux titres inédits. On vous passera des extraits dans la semaine. Restez bien là tous les soirs entre 20 et 21. C'est ce ça. Soir, il y aura du live avec Indila. Et puis on débute avec. Bah tiens, ça tombe bien, il est 20h. On débute avec le Run Run. Pourquoi pas? Allez, coup d'envoi. C'est parti, Run Run. Indila, notre invité toute la semaine. Vos messages avec le hashtag Indila sur Skyrock et les images en Skyrock FM et sur l'appli Skyrock. Allez-y, allez cliquer. Le morceau s'appelle Run Run, vous le retrouvez sur Mini World et sur la réédition qui sort le 17 novembre avec Indila entre 20 et 21. Toute la semaine sur Skyrock, Indila. Il y a aussi un clip qui va arriver. Oui, il y a un clip qui va arriver. Pas de Run Run, mais de Love Story. De Love Story, c'est ça. Un clip qui va arriver de Love Story. Je salue d'ailleurs Karim Ouarette, De Common Production que j'adore, qui est un réel super avec réalisateur. Ouais. Ah bah, de fou malade, on a fait des années. Ouais. Exactement, depuis 1800. Hein. Et moi, je me souviens de lui à l'époque déjà, quand j'étais plus jeune encore que ça, bien entendu. Et je pouvais découvrir déjà, j'assistais un petit peu, je regardais, j'étais spectatrice de son travail. Et je me disais déjà à l'époque, c'est super ce qu'il fait. Et là, ça fait bizarre, quoi, parce qu'on travaille ensemble. C'est la première fois que tu bosses avec lui sur un clip ? La seconde fois. C'est la seconde fois. SOS aussi a été tourné avec Karim. Et donc les images arrivent quand ? Ça arrive très très bientôt. Incessamment sous peu, mais vraiment sous peu. Et c'est la vérité. Oui. C'est vrai, ne me crois pas. Bon, est-ce que avant la réédition, on ait une fenêtre ? C'est possible. En même temps, je dirais. Et même, j'ai envie de dire, en fait, bon, c'était la surprise, mais le clip sera diffusé le jour de la sortie officielle. Voilà. Attends, regarde tous les gens qui demandent quand arrive le clip. Voilà. On balance quelques infos quand même. 17 novembre, donc sortie du clip. Love Story et la réédition le même jour et toujours en précommande également. Indy, là, tu sais, on a beaucoup parlé de chiffres avec toi. Il y a aussi des millions de vues, des gens qui. Est-ce que tu as eu le temps de mettre sur le net toutes les reprises de tes morceaux ? Non, sincèrement, non. Mais j'en ai vu pas mal. T'en as vu quelques-unes ? J'en ai vu pas mal. Et bon, déjà, je vous passe le sentiment qu'on peut avoir quand les premières fois qu'on découvre ce genre de vidéo. En disant, quelle merde. Non, du tout. Non, oh, mon Dieu. non, du tout, loin de là. Non, au contraire, c'est très, très, très c'est touchant. C'est vrai ? Ouais, c'est vraiment très touchant. Puis j'écoute la bouche ouverte, hein, vraiment, jusqu'à la fin, je rate rien. Et puis c'est fou, tu redécouvres les morceaux aussi. Vous avez été surpris par des. Ah ouais, des totalement. Hein, ouais. Et puis à chaque fois, tu vois à quel point les gens peuvent s'accaparer les choses et donner une autre vie à un titre. Donc c'est incroyable. Parfois, j'ai même envie de mettre sur Facebook des liens de personnes qui ont fait des vidéos. Et puis je me retiens parce qu'il y en a d'autres, je ne vais pas faire de jaloux, etc. Donc je ralentis. Et puis comme tu n'es pas très internet, tu ne maîtrises pas encore les clics. Non, c'est pas ça la raison. Je ne plus que tu te plantes et que tu mettes déjà tes nouveaux morceaux. Je crois que c'est ça le vrai problème. Tiens, nous, on a fait un petit medley avec 2-3 morceaux, justement, 2-3 prises qui ont cumulé des milliers et des milliers de vues. Très bien. Et des millions si on cumule ces 3 morceaux ensemble. Tiens, écoute et tu nous dis ce que t'en penses juste après. Planet Rap, on Skyrock. Tourner dans la ville, tourner dans la ville, tourner dans la ville. Elle s'appelle Manon, elle. Elle a des cheveux blonds. Je l'ai vu, cette puce. Ah ouais, Daniel. Oh là là, mais oui. Big up à Daniel. Surprise, on n'embrasse pas. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse. Ah ouais. Ah, je connais ça. Donia, c'est pas mal celle-là. Ça s'appelle Donia. Mais ils refont carrément la prod, quoi. C'est dingue. Très oriental. Ouais. Bon, t'en connaissais 2 sur 3. 2 sur 3, vous voyez que je mentais pas. Hein. Ouais. Et Donia, non, vous n'avez pas capté encore. Non, Donia. Du tout. Non, mais c'est génial, bravo. C'est Donia ou Donia ? Donia, a priori, Donia. Ouais. Eh ben, c'est super. La reprise de Run. Bravo. C'est génial, franchement, c'est génial. Tout ce que j'ai écouté était génial. C'est vrai ? Magnifique. Non, mais vraiment, il y a des trucs qui t'ont surpris. Ah ouais. Même là, tu disais Scalp en écoutant Donia, la façon dont ça. Ah ouais, non, c'est impressionnant, ça. C'est, en plus, c'est super bien produit. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je suis bluffé. Ça, ils reprennent les arrangements et ils ramènent des idées. Limite, on se dit merde, pour la scène, on pourrait les jouer comme ça aussi. Mmh. Donc, c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Super c'est travail. Vrai. Bon, ben voilà, ça continue. C'était un petit aperçu de ce qu'il y a sur le net, mais il y en a des milliers. Donc, c'est. Mais vraiment, bravo super encore de tout récupérer. Ouais. À Donia, bravo. À Daniel aussi, magnifique reprise. Ouais. Et à la belle Manon que j'ai eu l'occasion de voir aussi sur YouTube. C'est Manon, tu l'as vu, ouais. Oui, je l'ai vu et je me suis dit, c'est intéressant quand même, il y a quelque chose. Non, super. Bon, cette semaine, si vous voulez chanter d'une, dit la haute, n'hésitez pas pour vous inscrire, faire un freestyle dans l'émission. 41759, le hashtag Indila sur Skyrock aussi pour réagir à l'émission. Qu'est-ce qu'on met comme morceau Indila maintenant ? Maintenant, on va se mettre comme morceau. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme morceau ? Écoutez, pourquoi pas Je ne fais que. Je ne fais que ? Ouais. Très bien. Comme ça. T'es sûr ? Sur un coup de tête. Je ne fais que. Allez. C'est extrait de l'album de Mini World, évidemment. Un petit mot sur celui-ci, le souvenir de Je ne fais que ? Alors, Je ne fais que, oui, je... C'est un titre qui se prend pas au sérieux, bien entendu, un peu comme Run, hein. parce que parfois faut lâcher prise. Et c'est vraiment une chanson qui s'est écrite en toute simplicité et qui parle justement d'une personne qui compte pour moi et qui n'entend pas mes appels. Donc moi je ne fais que parler de cette personne-là à longueur de journée, ça va pas du tout. Très bien, on va l'écouter. On vous rappelle aussi que si vous voulez faire tourner la roulette, c'est 41 759. Je sais pas pourquoi vous êtes en panique, parce que il le trouve pas sur l'album. Je comprends mieux. Ok. C'est pour ça que vous me faites des grands signes. Vous êtes perdus, les mecs. Oui, c'est tu ne m'entends pas. Ah là, tu ne m'entends pas. Autant pour moi. Voilà, parce que c'était le. Parfois il y a des morceaux comme ça. Exactement. Qui évoluent entre c'est le titre. C'est moi la fautive. Et donc il s'appelait Je ne fais que. À la base, oui, c'est pour ça. Et il y a plein de morceaux comme ça dont on a pris l'habitude de parler avec des premiers titres qu'on donne comme ça accessoirement, et puis c'est resté. C'est moi, sorry. Ah, les deux femmes, ils étaient perdus là. A été perdu, hein, ils couraient dans tous les sens. Panique. Tu les as tous rebaptisés ou il y en a certains d'emblée, ils s'appelaient genre SOS, Dernière Danse? Non, c'est la seule exception. Hey, tu sais quoi, pour lancer le prochain, on va donner le premier nom qu'on leur avait donné sur les sessions. Ça peut être marrant. Allez, c'est parti. Ah bah très bien. Ouais, et je te demandais juste. Et voilà, il essaiera de deviner. S'il y en avait d'autres comme ça, ouais, très bien. Ouais, s'il y en a. Oui, pour beaucoup d'entre eux. Autant pour moi, j'avais. Et très bien. Donc celui-ci à l'origine, il s'appelait Tu ne fais que. Je ne fais que parler. Et il est devenu. Tu ne m'entends pas, puisque tu m'entends pas. Donc voilà, finalement. Allez, c'est parti maintenant. Indie Like, Extreme Mini World sur Skyrock. Avec Indy Lai, c'est un extrait donc de Mini World, un morceau qui s'appelle un morceau qui s'appelle à la base celui-là pardon c'est à la base je ne fais que exactement je ne fais que et puis finalement ça a été tu ne m'entends pas voilà ouais. D'un seul coup une transformation tu t'es dit en fait non c'est oui, mieux une histoire de feeling de dernière minute voilà on continue à s'auto-surprendre hein, à chaque fois. Indy là avec nous entre 20 et 21 il y aura du live ce soir tu fais quoi en live Indy, une dernière danse à pas louper avec les musiciens voilà. Dans quelques minutes bougez pas 41 759 prénom numéro de téléphone pour le freestyle pour la roulette qu'on fera tourner tout à l'heure avec des places pour aller voir Black M bah bougez pas on revient dans quelques minutes avec Indy là okay. Notre invité tiens il y aura le nouveau son de Sam Smith aussi à écouter je sais pas si tu vois un peu Sam Smith bien si tu sûr, aimes bien j'aime beaucoup I'm not the only one ça arrive après la pub. Sam Smith à l'instant sur Skyrock avec A$AP Rocky sur le morceau I'm not the only one, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Très beau morceau. Bien, hein. Ouais. Ouais. Bien posé ce morceau. Oui. Totalement, avec mon thé c'est parfait. Je suis dans le coup. Un petit thé pour Skalpovic, rien pour Indy là. Non, pas en ce moment, moi je suis très thé aussi. Indy ne boit pas, c'est une fois par semaine. Non, là pas en ce moment. Ouais, c'est bizarre, des périodes de sécheresse comme ouais, ça. C'est une petite période de calme et de sécheresse en attendant la réédition de l'album le 17 novembre, Mini World, qui ressort avec des titres inédits. On vous passera des extraits cette semaine entre 20 et 21. Tu nous fais du live dans quelques minutes aussi, à pas louper. Oui, aussi. Et tiens, je vais te présenter une nana qui s'appelle Yesima, de Granville. Yesima. Ouais, c'est ça. Ça va bien, Yesima? Ça va et vous? Moi, je me souviens parce qu'elle était venue rapper. C'était quoi dans le Planète Rap de Masca? Non, c'était quand? Quel Planète Rap t'étais passé, Yesima? Ouais, c'est ça. Planète Rap de Masca. Chronique du Watibé ou Masca? Ouais, peut-être, je sais plus. Elle avait tout défoncé. Donc, on va voir si tu es toujours aussi forte, Yesima. Ah, ça marche. Tu es prête à rapper à Kiki à tout défoncer? Je suis toute oui. C'est parti. Allez, t'as une 30, c'est parti. Ok. Yesim, tu connais le dicton. Giga Popoto, Granville, les alentours, la famille, ça fait. Ok. Dans mes ponctuels, j'arrive tard. Si je meurs, ça rit pas. Le pardon se mérite, ok. Je suis pas d'humeur charitable. La vie passe à tous ces biens ronronnés. Bizarrement, c'est si je l'ai pas dans l'os que tous ces chiens viendront rogner. On sait que ça finit mal quand une fille tapine sans rompre. Je fais exhumer la moquette, je suis tapis dans l'ombre. Je bosse traumatique, dur de vivre sans se diviser. T'es un trait de ta pote post-traumatique, mais tu peux te sentir visé. Dès le départ, pour un tarpé, cousin. Faut que je fasse la tournée des bars pour en taper. Voilà l'effet que ma tronche fait. Bande d'hypocrites, c'est pas amour pour éternel. Faudra venir veiller à mon chevet. Croquer la vie à pleine dents qui grincent. Pas les titres, c'est pas un pouilleux massacreur. Quand on s'est pincé par les schmitts. Trop de vis résume à cavalier bitombe. À cheval sur les principes, y'a que des cavaliers bidons. T'auras ta peau qu'en voyant les frères de l'ours courir. J'ai une poussière dans l'œil quand je vois une daronne les faire pour se nourrir. Pas de goûter oasis, ça va. Mes problèmes sont perso, on se connaît tous. C'est indiscret de me demander si ça va. C'est à mes conneries. Même en passage de meurs, y'a des drogueries. Et pas que des bazars de meubles. Prends pas le train, RIP. Y'en a qu'on vu les rails. Dites au baltrin qui est mon trahi. Je viendrai pas à leur funérailles. Yesima à l'instant. Pile poil au moment du gong, Yesima, pour conclure le freestyle. Bravo, Yesima. Merci à toi, Yesima. Avec plaisir. On rappelle qu'on peut te retrouver sur le net. Rappelle-nous un peu les adresses où on peut te suivre. C'est ça, vous tapez Yesima sur YouTube. Vous allez trouver mes morceaux. Il y a les actualités sur la page Facebook. Pareil. Voilà, organisé, Yesima. Bravo, Yesima. Et bien, bon courage pour la suite, Yesima. Je vous remercie. Ciao, passe une bonne soirée. Ciao, Yesima. Merci. On est avec Indy là, entre 20 et 21. Et puis on redécouvre aussi cet album Mini World qui est sorti il y a plusieurs mois, le mois de février déjà. C'est ça. Ça va très vite, ça passe. Ça va très très vite. Ça voilà. Va très très vite. Et sorti. Encore plus. Pardon. Ouais, je disais encore plus quand on court comme ça. Et réédition de l'album le 17 novembre. Qu'est-ce qu'on met maintenant? Tiens, file un nom de code. Ah. T'as pas un nom de code d'un des morceaux là? Ouais, il y a un pour bien laisser flipper Fab en face. On va mettre Mini Roll. Oh, bon, celui-là il est simple. Ouais. Mini Roll. Non mais sans déconner, le morceau s'appelait vraiment Mini Roll. Alors, en fait, ouais. C'est moi qui ai mal capté le concept. Je crois qu'il était très tard quand on a enregistré ce morceau. Et enfin au début, elle avait uniquement un refrain et sur la session, j'avais capté Mini Roll. Enfin, je crois que j'étais trop fatigué. Donc vous avez faim, peut-être. C'est resté Mini Roll. Tu as peut-être faim, tu as envie d'un roll. Oui, un truc à becter en fait. Certainement. En plus, c'est les petits trucs que j'ai appelés mini-rolls. Sans délirer, j'étais dans les mini-rolls à cette période en plus. En plus, pendant longtemps, à cause de ça, parce qu'il avait enregistré la session avec ce nom-là, on chantonnait dans ce mini-mini-mini-roll-mini. Mais c'est vraiment à cause de lui. Ça nous a pris, je sais pas, peut-être une semaine à tout casser pour faire en sorte que ça nous échappe de la tête, mais c'était pas facile. Donc le morceau s'appelait Mini World. Et il est devenu Mini World. Ce qui est un petit peu mieux en même temps. Oui, je pense, oui, quand même. Sponsorisé par une compagnie de sushi, l'album. Avec le morceau Mini World en exclu. Et là, la version donc originale. C'est celle-ci, enfin la version originale, la version qui a été finalisée. Officielle de l'album. Voilà. On la réécoute maintenant, c'est aussi le nom de l'album d'Inila, tout de suite. Indila à l'instant avec Mini World. Eh ben, ça fait plaisir de le entendre celui-ci. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il porte celui-ci. T'as un truc, t'es emporté par ce morceau. Ouais. Moi, j'éprouve le même sentiment à chaque fois. Toi, tu fermes les yeux à chaque fois. C'est vrai qu'à chaque fois, je me souviens, tu fermes les yeux sur ce morceau. Ouais. Tu conduis pas, j'espère. Quand t'écoutes ton album. Non, ça va, je conduis pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Oui, il nous prend tout. Je sais pas quand vous l'avez fait, Mini Roll. Alors, je comprends que c'était tard dans la nuit, mais. Non, mais après, au-delà de ça, là, on a. Il fallait clôturer l'album et mettre en musique vraiment notre dream. Mmh. Voilà, et on a mis le max vraiment de tout ce qu'on pouvait renfermer. Exactement. Et ça a donné ça. On était un petit peu dans un univers à la Narnia un peu. C'était très céleste, très épique et voilà. C'est à un moment donné, au lieu de finir le morceau, on s'est dit pourquoi pas cet envolé, ce petit décollage, et c'est ça où on va aujourd'hui. Et le nom de l'album, il est né avec ce morceau ou il existait déjà avant? T'avais une idée précise du titre Mini World? J'avais déjà une idée à peu près précise, mais on a confirmé le tir avec cette chanson. Avec celui-ci, ouais. Ouais. Et c'est vraiment cette chanson, enfin, moi, ma façon de le voir, ce titre-là, c'est un peu comme. C'est un rêve qui est enfermé. Voilà, c'est un rêve enfermé en musique, et ça donne Mini World. C'est un peu comme ça que je vois. Ouais. Bah, très bien. Les réactions aussi, il y a toujours autant de réactions sur ce morceau là, en disant il défonce ce titre. J'ai vu les messages passer avec le hashtag Indila sur Skyrock. Avant de passer au live, Indila. Oui. On met encore un autre titre? Pourquoi pas? Pourquoi lequel? Pas. Alors, est-ce qu'il a un nom de code ou pas déjà? Ah, celui-là il y a échappé. Ouais, celui-ci s'est appelé comme ça dans directement. LS, quand même, un petit décodé un petit peu dans l'ordinateur. Ah oui, alors il y a des choses que j'ignore. ça c'est les codes de Skalpovich. Voilà, LS. LS. D'accord, donc LS. Pour Love Story. Voilà. Avec les images qui arrivent bientôt, on l'a dit, 17 novembre, le clip. Voilà, exactement. Le clip qu'on a tourné avec Karim Ouaret, à qui je fais de gros bisous. Voilà, on est super contents, on a hâte de partager ça avec le reste du monde. Donc les images qui débarquent le 17 novembre et puis sont sur la réédition à partir du 17 novembre également. Voici Love Story. L'homme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour, il a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non plus rien ne le retient. Dans celle-là, Dans sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. fait d'un fou un roi. Si tu es mignon, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Là, notre invité toute la semaine entre 20 et 21, et ce morceau qui s'appelle Love Story, les images arrivent donc le 17. Le 17, t'as pas loupé. Sur la réédition de l'album, on peut précommander hein, dès maintenant, allez cliquer pour récupérer l'album, l'album avec sa réédition. Voilà. Dès maintenant, en précommande. Indy là dans un instant live. Oui, live. Bon, bah le temps pour moi d'annoncer 2-3 trucs déjà Difool dans un instant. 41-7-5-9 pour passer à l'antenne, notamment chez Difool au 01-53-40-30-20. Et puis j'avais oublié d'annoncer, tiens, le grand gagnant du jeu NBA 2K15. C'était il y a quelques semaines de cela dans le Planète Rap de Gradure. On avait filé des jeux NBA 2K15. Et on vous avait dit que sur le blog de Planète Rap, on mettait les freestylers, puisque l'un allait repartir avec une PS4. Et c'est donc Walid du côté de Sevran qui repart avec sa PS4 à l'occasion du jeu NBA 2K15. Et on salue encore l'équipe du jeu NBA 2K15. Sur Skyrock, entre 20 et 21, Indila est notre invité tous les soirs entre 20h et 21h. L'équipe du live est en train de s'installer. Indila, tu es prête? Yes. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. C'est quel morceau que tu nous fais en live maintenant? Dernière danse. Dernière danse en live. On va saluer aussi les musiciens qui sont là avec toi. Hein. Oui, Greg. J'ai la chance d'avoir Greg ce soir avec moi qui m'accompagne partout où je vais. Donc j'ai deux guitaristes, il y a Melviana et Greg. Et ce soir, on a la chance d'avoir Greg. Eh ben allons-y, c'est parti en live maintenant. Dernière danse, Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. que d'espérance sur ce chemin à ton absence. J'ai beau tout aimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Et je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'en vais, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Et je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vole, vole, vole, vole. Je vole. Yes! À l'instant, en live, en acoustique. Merci. Ça change de la version avec Black M qu'on a entendu sur Skyrock. Oui, qu'on salue. Qu'on salue aussi Black M qui va pas tarder à monter sur scène et en tournée dans toute la France en ce moment. Des places à choper d'ailleurs dans un instant dans la roulette. C'est une autre version, version acoustique. Voilà. Une version acoustique qu'on a beaucoup de plaisir à chanter aussi. Mmh. C'est un truc que t'aimes bien faire aussi justement avec les musiciens. J'adore, voir. Moi j'adore toutes les versions. Si je pouvais peut-être chanter toute ma vie en version acoustique, je le ferais. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup. Bah qui sait, un album acoustique par la suite, on verra. Ah oui, c'est vrai. La route est longue, Indila, tu sais. Oui, ce n'est qu'un mini world pour l'instant et... Merci de me souhaiter ça. L'avenir t'appartient. Ça, c'est sûr. Le 17 novembre, il y a la réédition de l'album, justement, Mini World. Avant de se quitter, avant de se dire au revoir, avant de retrouver la radio libre de Default dans un instant, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Allô, Romane de Bourg-Blanc. Oui. Ça va bien, Romane? Oui, très bien, et vous? Ben ouais, pas mal. Tu connais Indila? Bah oui. Bah bonjour, oui. Bonsoir, Romane. Excuse-moi, Romane. Ça va, Romane? Bah oui, très bien. Tu connais aussi Black M? Oui, bah oui. Et tu as envie de voir Black M en concert, on y va? Oui. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop, c'est peut-être des places pour toi. C'est vers où, Bourg-Blanc, Romane? Dans le Finistère. Dans le Finistère, en Bretagne. Oui. Et bah voilà, Romane, c'est fait. Deux places pour aller voir Black M en concert avec Skyrock, en tournée. Waouh, super. T'as tes deux places, Romane. Oui. Elle est contente, elle est toute contente, ça fait plaisir. Romane, ça va? Oui, très bien. T'es sûr? Je suis trop contente. On peut te laisser tranquille. T'es pas toute seule à la maison? Bah non, là, il y a toute ma famille qui est en train d'écouter aussi. Bonsoir à toute ta famille. Bonsoir à tout le monde. Y a qui dans la famille, Romane? Bah là, il y a mon frère, ma belle-sœur, ma mère, mon père et ma sœur. Pas mal. Magnifique. Le frangin et la sœur, ça va? Ça se passe bien? Pas trop de... Ça va. Je vais un peu aller. Bon, on te fait un bisou, Romane. Est-ce que je peux passer juste une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bah, dédicace au collège Saint-Joseph à Plabennec, à Bourg-Blanc, à ma famille, à Tashimoto à Brest. Ça roule, Romane. La reprise hier, pas trop dur, ça va bien passer? Non, ça va, ça va. Ça va, t'as séché? Non, pas séché. Non, mais pas j'ai pas de conneries. Il y a toute la famille qui écoute. Ah oui. Bon, on te fait des bisous, Romane. Ciao, passez une bonne soirée. Bon bisous, courage Romane. À la maison. Ciao. Merci, Indila, pour cette belle soirée. De rien, c'était comme d'habitude un plaisir. Tu comptes revenir demain? Oui, bien sûr, je, plus que ça, je vais revenir demain. Demain, peut-être des surprises. Exactement, ouais. Une surprise vivante. vivante. Voilà, une surprise à écouter. Voilà. La description est étrange, mais bon. Une surprise vivante et une autre morte. Artistique, voilà. Non mais surprise, deux surprises je crois demain. Exactement, si on va être généreux demain. Demain, attention. Bon, je sais que tu m'envoies un petit peu des fois, mais on fait au max. Ouais, bah, écoute, on suivra ça tous les soirs de la semaine avec Indila. La réédition c'est le 17 novembre, à pas louper. Donc demain, 20-21, la suite du Planète Rap consacrée Indila. Et je pense que nous allons peut-être retrouver maintenant toute l'équipe de Deep Fool si tout le monde est là. Exactement. On est là. Ah bah voilà, ça y est, on est tous là. Merci Indila, demain soir. Donc une surprise vivante, on a bien noté. J'ai noté, donc demain. Très bien. Surprise vivante dans vous Planète Rap. C'est parfait. J'espère qu'elle le sera encore demain, la surprise vivante. Si elle nous écoute, on la salue, la surprise. Mais vous aussi, demain, il y a une surprise vivante. Vivante également, ouais. Entre 21h et minuit, on aura Wiz Khalifa. Surprise fumante. Ah ouais, c'est ça. Surprise fumante. Ouais. Plus une surprise fumante qu'une surprise vivante demain soir, ouais. Wiz Khalifa qui débarque demain dans l'émission entre 21h et minuit, il sera là. Eh ben. Quand une belle soirée demain, donc Indila et sa surprise vivante. Et puis nous et la nôtre aussi demain entre 20h et minuit, 20h, 21h, Planète Rap, 21h, minuit, Radio Libre. Et là, il est pratiquement 21h. Eh ouais. 20h50 dans un instant. C'est parti pour la Radio Libre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Indila, t'as jamais appelé dans l'émission Indila? Non, j'ai jamais appelé. Mais si t'avais appelé, t'aurais appelé pourquoi toi? J'ai envie de devenir artiste, j'ai une belle voix, personne ne me connaît, tout ça. Probablement. Ouais. Oui, depuis un temps, peut-être, oui. Avant d'être, d'être connu dans la France entière, oui, dans le monde entier. C'est pas impossible. Bon, ben Indila, vous pouvez la retrouver demain à partir de 20h dans Planète Rap. Et là, on vous retrouve en direct dans un instant. Vous pouvez nous appeler, donc profitez-en. 0153 43. Et vous savez surtout que vous avez un sérieux concurrent pour Romano dans l'émission. Ah, il y a Momo qui est déchaîné dans le Planète Rap d'Indila. Il chante tous les morceaux, c'est horrible. Ah non. Oh mon dieu, ça doit être joli, ça tient. Chante. Ah mais là, mais non, mais moi j'en peux plus. Mais tu l'as pas fait chanter en direct, j'ai pas entendu. Non, mais j'ai l'oreille gauche massacrée. Mais non, mais tu m'étonnes. Il chante quoi? Ah bah il chante tous les titres d'Indila, c'est-à-dire qu'il est incollable dans le vide. Il était là tout à l'heure, il chantait SOS. Je croyais qu'il avait un malaise. SOS, ouais. T'as oublié de dire qu'il nous a fait une magnifique chorégraphie. Ah oui, parce qu'il danse aussi. En plus. Non, mais il est drogué. Il tourne. Il s'est drogué, non? Il a fait tourner avant, non? Mais peut-être qu'il a croisé Wiz Khalifa avant qu'il arrive débarque demain. Ouais, il s'est passé un truc, à mon avis. Certainement. C'est pas normal tout ça. C'est l'effet Indila, le retour demain, juste avant 20h dans Planète Rap. Ça marche. On te fait gros bisous. Bonne soirée à toi, bonne soirée Fredo, bonne soirée à vous tous. Et là, c'est parti, Radio Libre dans un instant avec, tiens, Black M. Ça a été gagné dans la roulette. On en fera tourner aussi des roulettes tout à l'heure. On en fera tourner une. Les places pour Black M à gagner. Black M à écouter tout de suite avec Je ne dirai rien pour démarrer cette soirée. C'est parti, Radio Libre. Ciao.